Nombre chapitre 13. Après cela, le peuple partit d'Atseroth, et ils campèrent au désert de Paran. Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, « Envoie des hommes pour reconnaître le pays de Chanaan, que je donne aux enfants d'Israël. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père, tous des principaux d'entre eux. » Moïse donc les envoya du désert de Paran, selon le commandement de l'Éternel, et tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Et ce sont ici leurs noms, de la tribu de Ruban, Samua, fils de Zakur. De la tribu de Siméon, Sapha, fils d'Ori. De la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephunné. De la tribu d'Issachar, Jigal, fils de Joseph. De la tribu d'Ephraïm, Osée, fils de Nun. De la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. De la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. De l'autre tribu de Joseph, Savoir, de la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzi. De la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. De la tribu de Zé, Sétur, fils de Michaël. De la tribu de Nephtali, Nabi, fils de Vafsi. De la tribu de Ga, Gehuel, fils de Maki. Ce sont là les noms des hommes que Moïse envoya pour reconnaître le pays. Or Moïse avait nommé Osée, fils de Nun, Josué. Moïse donc les envoya pour reconnaître le pays de Chanaan, et il leur dit, « Montez de ce côté, vers le midi, puis vous montrez sur la montagne. Et vous verrez quel est ce pays-là, et quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Et quel est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, et quelles sont les villes dans lesquelles il habite, si c'est dans des tentes, ou dans des villes closes. Et quel est le terroir, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres, ou non. Ayez bon courage, et prenez du fruit du pays. » Or c'était alors le temps des premiers raisins. Étant donc partis, ils examinèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, à l'entrée de Hamath. Ils montèrent donc vers le midi, et vinrent jusqu'à Hébron, où étaient Taïman, Césaï et Talmaï, issus de Hana. Or Hébron avait été bâti 7 ans avant de se rendre d'Égypte. Et ils vinrent jusqu'au torrent d'Escol, et coupèrent de là un sarment de vigne avec une grappe de raisin, et ils étaient deux à le porter avec un levier. Ils apportèrent aussi des grenades et des figues. Et on appela ce lieu Lana à l'Escol, à l'occasion de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Et au bout de 40 jours, ils furent de retour du pays qu'ils étaient allés reconnaître. Et étant arrivés, ils vinrent vers Moïse et Aaron, et vers toute l'assemblée des enfants d'Israël, au désert de Paran, en Kadès, et, leur ayant fait leur rapport, et à toute l'assemblée, ils leur montrèrent du fruit du pays. Ils firent donc leur rapport à Moïse, et lui dirent, « Nous avons été au pays où tu nous avais envoyés, et véritablement c'est un pays découlant de lait et de miel, et c'est ici de son fruit. Il y a seulement ceci, que le peuple qui habite au pays est robuste, et les villes sont closes et fort grandes, nous y avons vu aussi les enfants de Hana. Les Amalécites habitent au pays du Midi, et les Éthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent en la montagne, et les Chananéens habitent le long de la mer, et vers le rivage du Jourdain. » Alors qu'Caleb fit taire le peuple devant Moïse, et dit, « Montons hardiment, et possédons ce pays-là, car certainement nous y serons les plus forts. » Mais les hommes qui étaient montés avec lui, dirent, « Nous ne saurions monter contre ce peuple-là, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent, devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient examiné, en disant, « Le pays par lequel nous sommes passés pour le reconnaître, est un pays qui consume ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu, sont des gens de grande stature. Nous y avons vu aussi des géants, des enfants de Hana, de la race des géants, et nous ne paraissions auprès d'eux que comme des sauterelles. »